chez devant, dans chaque étoile. Toutes nos pensées ne font qu'une, et notre courroie astrale. Tu as beau être loin de moi, j'ai ces repères, ces indices. Pas d'attente, pas de contrat, pas besoin de preuves par 10. Si mon rêve m'enlève à vos jours, je t'emmène faire un petit tour. Si mon rêve mène ces vieux jours, je t'emmène sous le toit du ciel. À l'essentiel.